là pour foutre la merde, tu vois qu'il en coule en foutre. Écoute, écoute, mauvaise gueule rien à foutre. La promo n'est là pour foutre la merde, tu vois qu'il en coule en foutre. Écoute, écoute, mauvaise gueule rien à foutre. La promo n'est là pour foutre la merde, tu vois qu'il en coule en foutre. Écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute. Écoute, les mauvaises gueules rien à foutre. J'prends mon élan pour foutre la merde, c'est quoi qu'il en coûte. Mais l'écouteur éclate, mon rap coupe comme un cutter. Tu payes une bonne tranche en écoutant mon flow tranchant. Mais franchement, ça t'aime, ça tue, ça atteint. Le summum comme charnu dans les draps de Satan. Une perce dans les bras de Satan, j'm'enflamme sans qu'on s'y attend. Une perceuse de bac, ouais, j'm'attrape. Écoute ce son, ouais, c'est du 7-8-51. C'est un fils de phase à sous, ouais, j'rends le dans j'implante. Je raccorde ton état de poil sans ton état val. Et quand mon album se vendra à course, vite en poil. Je manipule les mots comme une canicule, je suis chaud. J'suis chaud dans les veines, j'en mêle une dizaine. 7, 8, autres scènes, pas trop de scènes, je me crie. Mais en tout cas, ça dame pas comme le peuple à sa dame. Une bombe qui t'amine, poisse contamine. Les zones qu'on t'amène font les tests aux abîmes. Ouais, ouais, tu sens la pression monter. Tu sens la pression monter. Yo, yo. Tu sens la pression monter, mais t'es trop démonté. Marque mon époque hardcore, qu'il nous faut affronter. Criminel au MIC, tout pour la main. Si t'as pas encore compris mes frères sur la voie. Et tu sens la pression monter, mais t'es trop démonté. Marque mon époque hardcore, qu'il nous faut affronter. Criminel au MIC, tout pour la main. Si t'as pas encore compris mes frères sur la voie. Et tu sens la pression monter, mais t'es trop démonté. Marque mon époque hardcore, qu'il nous faut affronter. Criminel au MIC, tout pour la main. T'as pas encore compris mes graisses sur la voie. Et pas que tu craques mec quand tu ne crises. Ton crack faut que tu maîtrises. Du tac au tac les putains de traîtrises. Évite la voie quel coup de matraque. Ouais mec t'es pas dans matrice. Moi mais ça mange mes apports. Cherokee 4 roues motrices. Ouais j'trace très speed. La je trousse. Pas de stress ouais. Moi j'fais des paillettes et des strass. Mais tout le temps t'es tenté de planter ces tantouses. On dirait qu'ils attirent les tubes comme des ventouses. Stop ta jalousie t'es yébis je les ai. Au premier essai tu fais tes plis je le sais. Certains sont blasés de principe. Moi j'prends la vie comme elle est. Certaines gens s'insistent même c'est chaud comme elle est. Si tout prêt à trimpage, je le prends jamais j'attends. Destination rien à foutre, ça passe ou ça casse. C'est que les gars de la casse, jusqu'à ce qu'on voit casse. Moi de toute façon le subit pour que j'amasse la caillasse. Moi je m'en casse. Sans la presse monter, mais t'es trop démonté. Mat mon époque hardcore, qu'il nous faut affronter. Criminel au MIC, tout pour la maille. Si t'as pas encore compris mes graisses sur la paille. Tu sens la pression monter, mais t'es trop démonté. Mat mon époque hardcore, qu'il nous faut affronter. Criminel au MIC, tout pour la maille. Si t'as pas encore compris mes graisses sur la paille. Tu sens la pression monter, mais t'es trop démonté. Mat mon époque hardcore, qu'il nous faut affronter. Criminel au MIC, tout pour la maille. Si t'as pas encore compris mes graisses sur la paille. Joe, Joe, Joe, Joe.